les amis butent et les femmes y sentent bon. Il a mis de la poudre à son pichet lourd, c'est pour cacher ses boutons. Il a mis de la poudre où ça ? Pourquoi ? Tienne, ah la tienne mon vieux, sans ces garces de femmes nous serions tous des frères. Ah la tienne, tienne, ah la tienne mon vieux, sans ces garces de femmes nous serions tous heureux. Ah ça c'est les filles de l'alcool. Après ça il y a le bal alors.